Chapitre 9e. De profundis clamavi. Le fiacre s'en allait pesamment le long des rues, et à chaque minute, Hélène se disait « Vais-je le revoir ?» Elle regardait maintenant en face l'idée irrésistible dont la seule apparition l'avait précipitée à chercher Armand tout de suite, à peine au sortir de son horrible délire. Il fallait qu'elle pût crier à cet homme qu'il l'avait perdu. Oui, il le fallait, et qu'il la crut enfin, et qu'il comprît l'infamie de sa conduite. Elle dirait à son ancien amant « Je suis la maîtresse de M. de Varade, et c'est vous qui en êtes la cause, vous et votre injustice, votre abandon. » Et comment cet homme ferait-il pour ne pas la croire quand elle lui dirait ensuite « Avant de vous connaître, j'étais pure. » Cette preuve indiscutable de la vérité de son sentiment, cette preuve tant désirée, elle la tenait, elle ne la lâcherait pas. Sa sincérité présente ne serait-elle pas la garantie de sa sincérité passée? Si elle avouait la faute d'aujourd'hui, quel motif de pudeur, d'hypocrisie ou d'intérêt pouvait lui faire nier celle d'hier? Cet étrange raisonnement lui paraissait emporter avec lui une sorte d'évidence à laquelle Armand n'échapperait pas. Il la croirait donc, et ce serait là sa vengeance. Mais comment me recevra-t-il, et que m'importe? Je lui cracherai la face, ma misère et ma honte, et qu'il en est responsable. Son âme malade trouvait dans l'audace de ce projet une détente. Elle haïssait Armand à cette heure. Elle tremblait qu'il ne fût absent, qu'il ne lui échappât. « Plus vite !» dit-elle au cocher à diverses reprises. « Arriverait-elle jamais assez tôt ?» Elle reconnaissait les moindres détails du chemin, ce chemin parcouru avec l'allégresse du cœur la dernière fois qu'elle s'était rendue chez lui. Et la scène qu'elle avait dû subir se représentait à son esprit plus vive et plus affreuse encore. Durant cette scène, l'indignation l'avait étouffée. Elle n'avait rien eu à répondre. Il ne l'aurait pas cru alors, mais maintenant il la croirait. Elle lui montrerait ce qu'avait été le drame de son existence depuis des mois. Elle mettrait à nu toutes les plaies cachées de son cœur. Elle lui ferait toucher du doigt cette œuvre de mort accomplie par lui, et elle s'en irait, lui laissant du moins, s'il avait quelque honneur encore, ce remords hideux, cette flèche empoisonnée dans la conscience. Puis elle pensait, dans quel état le trouverais-je? Qu'a-t-il fait depuis notre rupture? Enfin, la voiture s'arrêta au coin de la rue Lincoln et des Champs-Élysées. En 2 minutes, Hélène avait gagné la porte de la maison d'Armand. Comme sa voix tremblait en demandant au concierge « Monsieur de Kern est-il chez lui ?» Comme la réponse affirmative la bouleversa tout entière, quoi qu'elle en eût. Elle hésita, malgré la résolution prise, une seconde, puis elle gravit l'escalier d'un pas délibéré. Sa main pressa le timbre sans hésitation. Le pas du domestique se fit entendre. La porte s'ouvrit. Il n'y avait plus moyen de reculer. Qu'avait fait Armand durant cette période où elle agonisait de désespoir? Si elle l'avait su, même devant cette porte ouverte, peut-être le dégoût l'aurait-il retenu et tiré en arrière. Elle aurait fui avec horreur le seuil de cet appartement où elle venait défendre non pas sa personne, non pas son bonheur, mais la vérité de son amour ancien, comme on défend la mémoire d'un mort. Dans son billet à Chazelles, le jeune homme n'avait pas menti. Un voyage de 10 jours l'avait conduit dans une propriété qu'il possédait près de Nantes. La famille de Kern était originaire de cette ville, et il y était demeuré à régler quelques affaires de fermage. Puis il était revenu à Paris, persuadé que la rupture était définitive, puisque Hélène n'avait, durant ces 10 jours, hasardé aucune tentative de rapprochement. Par une contradiction de sa nature, trop habituelle chez lui pour qu'il s'en étonnât, ses premiers moments avaient été mélancoliques. Il était de ceux qui s'attendrissent sur le souvenir, après être demeuré presque indifférent à la réalité, de ceux qui deviennent amoureux des femmes qu'ils abandonnent, comme ils regrettent les endroits où ils s'ennuyaient lorsqu'ils y vivaient, race inquiète, qui ne connaît du présent que ses lassitudes, et pour qui le passé revêt un charme unique et attendrissant, de cela seul qu'il est le passé. Armand n'avait jamais aimé la pauvre Hélène. Il s'applaudissait de leur rupture comme d'une action à la fois très raisonnable, eu égard à ses propres intérêts, et profondément digne, puisqu'il répondait à la générosité d'Alfred par une générosité pareille. Mais ni la raison d'intérêt ni celle de dignité n'empêchaient qu'il ne pensât, avec une émotion pénible, à cette maîtresse délicate et si douce qui, au demeurant, ne lui avait jamais menti que pour lui plaire davantage. Certes, Il doutait moins que jamais qu'elle n'eût à Bourges cette première intrigue avec Barrade dont lui avait parlé Lucien Rium. Quel indice plus évident que la manière dont elle avait accueilli cette accusation? Tout de suite, elle avait baissé la tête et elle s'était comme effondrée sous l'outrage. Mais eût-il eu deux, trois, quatre prédécesseurs? De quel droit se fût-il indigné contre elle? N'avait-elle pas, durant leur liaison, déployé toute la loyauté dont sont capables ces sortes d'amour? Avait-elle eu, avec qui que ce fût, même un passage de coquetterie? L'avait-elle rendu jaloux, fût-ce une heure, de cette jalousie que les femmes du monde, plus coquines en cela que les coquines, n'hésitent pas à infliger à un amant pour le plus futile motif de vanité, pour plaire à un personnage célèbre, ou simplement attirer un homme qu'une autre femme a distingué? Non. Hélène avait été parfaite avec lui. Cette constatation lui plaisait à la fois et le tourmentait, car si elle flattait son amour-propre, elle lui rendait aussi plus présent le charme évanoui de cet amour dont il n'avait pas su jouir alors qu'il en redoutait les obligations. Mais plus que cette gracieuse tendresse, ce qu'il regrettait d'Hélène, c'était sa personne physique. Depuis qu'il était devenu son amant, il était resté, contre tous ses principes, entièrement fidèle. Et cette fidélité redoublait en lui la précision de la mémoire des sens. Il revoyait en pensée la chambre à coucher de la rue de Stockholm, et sur l'oreiller cette tête fine, avec ses yeux chargés d'une mystérieuse volupté. De menus détails à peine observés lui revenaient, une certaine façon qu'elle avait de pencher sur lui son joli visage, l'arôme qui flottait autour de ses baisers et leur saveur spéciale. Une nostalgie le saisissait alors, contre laquelle il employa l'infaillible remède dont il était coutumier. Son premier soin, aussitôt revenu à Paris, fut de se plonger dans un libertinage continu et systématique. Il lui fallait mettre entre Hélène et lui des formes de corps qui pussent donner à ses sens une pâture de beauté. Des gorges à immouler des coupes, des chutes d'épaules dignes des statues, des hanches souples, des jambes fines et d'habiles caresses. Ces instruments d'oubli abondent dans les hautes maisons de plaisir. Le jeune homme en usa, cette fois, comme les autres, jusqu'à l'abus. Si bien qu'à l'heure où Hélène sonnait à la porte de la rue Lincoln, elle lui était devenue presque aussi étrangère que s'il ne l'avait jamais connue. Il feuilletait un livre, couché plutôt qu'assis sur un fauteuil, et il attendait l'instant de s'habiller afin de rejoindre au cercle quelques compagnons de dîner. Il se trouvait dans cet état de lassitude heureuse que le plaisir sans cœur procure toujours aux hommes assez sages pour ne demander à la femme que la jouissance d'une beauté palpable. Hélène et cette aventure de ces derniers mois reculaient pour lui vers un lointain que chaque jour rendrait plus inaccessible. C'était un chapitre à joindre aux autres dans ce triste roman de galanterie à travers lequel sa sensibilité s'était usée sans se dépenser. Déjà, en y songeant, il ne sentait plus en son cœur qu'un point malade. Il souffrait d'avoir à ce degré méconnu Chazel, mais une satisfaction de conscience adoucissait cette souffrance. N'avait-il pas immolé à la confiance de son ami et sans hésiter tous les plaisirs que pouvait encore lui procurer sa liaison? Aussi éprouva-t-il la plus désagréable des surprises lorsque, son domestique lui ayant annoncé qu'une dame demandait à lui parler, il vit entrer Hélène. Elle ne s'était pas donné la peine de mettre un voile. Il aperçut du coup son visage amaigri, ses yeux cernés, son regard brillant et fixe, sa bouche amère. Machinalement, il poussa vers elle un fauteuil qu'elle refusa. « Ce n'est pas la peine. Ce que j'ai à vous dire ne sera pas bien long. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. »« Allons, » songea-t-il, « encore une scène. Ce sera la dernière. » L'absence complète de désir physique, résultat de ses débauches des derniers jours, le rendait singulièrement dur et sec. Il songea qu'il était un grand maladroit de ne pas avoir condamné sa porte, et il décida aussitôt de n'entrer dans aucune explication et d'employer la politesse la plus banale comme bâton de longueur. Il lui dit, comme s'il n'y eut jamais entre eux que des relations les plus officielles, « Je suis tout confus. J'aurais dû aller vous voir dès mon retour, et puis 20 misérables détails m'ont retenu. Vous savez, à la veille d'un départ, je compte être à Londres à la fin du mois. »« Ne vous mettez pas en frais d'excuse ?» interrompit Hélène qui haussa les épaules. « À quoi bon? Pourquoi seriez-vous venu ?»« Pour ne pas me compromettre, je vous dispense de cette délicatesse. Pour me répéter que vous ne m'aimez pas, que vous ne m'avez jamais aimé et me regardez souffrir, vous n'êtes pas un monstre. Tout ce que vous aviez à me dire, vous me l'avez dit. N'ayez pas peur, ajouta-t-elle avec un sourire énervé. Ce n'est pas pour reprendre notre conversation de l'autre jour que je suis ici. Elle s'arrêta, comme si les mots qu'elle allait prononcer lui brûlaient déjà les lèvres, ses lèvres desséchées par tant de nuits fiévreuses. Elle avait parlé d'un ton si âpre et si sérieux en même temps que le jeune homme en ressentit une angoisse. En la revoyant, il s'était attendu à une scène de supplication, à l'ardent appel d'une maîtresse abandonnée qui implore une journée seulement de l'ancien bonheur, et la solennité de l'accent d'Hélène annonçait une révélation sans prière, sans espérance, d'une nouvelle qui lui paraissait à elle d'une importance tragique. Allait-elle lui dire qu'elle était enceinte, ou bien, dans une heure d'égarement, avait-elle tout dit à son mari? Elle se taisait. Ce fut à son tour d'être impatient. « Parlez, je vous écoute. » Dans cette dernière conversation, qu'encore une fois je ne veux pas reprendre, continua-t-elle, vous m'avez dit que vous connaissiez ma vie. Vous avez même précisé en prononçant un nom celui de monsieur de Varade. Vous avez prétendu que cet homme avait été mon amant. « Je vous ai dit qu'on me l'avait dit, » souligna-t-il. « Et que vous le croyez ? » interrogea-t-elle. « Comment on croit à ces choses-là » reprit-il. « Vous m'avez mal compris ou je me suis mal expliqué, bien mal. » Et il pensait. « Elle va me tirer de sa poche quelques lettres attestant le profond respect du Varade. » Il se souvint d'avoir écrit à d'ancienne maîtresse des lettres pareilles pour être montré à qui de droit. « La sotte discussion, » soupira-t-il tout bas. « Mais comment l'éviter ? » « Eh bien ?» répliqua-t-elle avec une énergie singulière. « Si l'on vous dit cela maintenant, vous pourrez le croire et répondre que vous le savez d'une source certaine. » Et le regardant d'un air de triomphe à la fois et de désespoir, elle ajouta « Je suis la maîtresse de M. de Varade, entendez-vous » Et elle répéta « Je suis la maîtresse de M. de Varade. » Armand l'écoutait dire et redire cette phrase où elle se déshonorait elle-même, et ce fut en lui une impression plus pénible que douloureuse. Cela lui apparut comme quelque chose d'insensé tout ensemble et de lamentable, qu'elle vint lui raconter ainsi la reprise de ses amours avec son premier amant, poussé par quel appétit malsain de drame et d'émotion. D'autre part, il n'avait pas eu, à l'époque de ses premiers soupçons, une assurance absolue, indiscutable, sur le caractère coupable des rapports d'Hélène et de Varade, et elle venait se dénoncer à lui maintenant d'une façon si brutale qu'il ne put se défendre d'une crispation de basse jalousie. Il répondit avec une brusquerie involontaire « Vous êtes parfaitement libre, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? À moins, ajouta-t-il avec cruauté, que je ne puisse vous être utile. Ne faites pas d'esprit, » reprit-elle avec plus de violence encore. « Vous me devez de m'écouter, c'est bien le moins qu'on écoute une femme qu'on a perdue, car vous m'avez perdue. Oui, c'est vous, et je veux que vous le sachiez. Ah, vous avez cru que je mentais, que je me parais pour vous plaire, quand je vous disais que je n'avais jamais eu d'amant avant vous. Me croirez-vous maintenant que je vous dis dans la même phrase que je suis la maîtresse de M. de Varade aujourd'hui et que je ne l'ai pas été autrefois ? Je l'ai retrouvé, je me suis donné à lui. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est fait. Vous voyez que je ne cherche pas à jouer de rôle, que je n'ai pas peur de votre mépris, que je ne viens pas renouer avec vous, mais aussi vrai que j'ai tout avili, tout souillé en moi, quand je me suis donné à vous, j'étais si pur. Je n'avais rien, rien sur ma conscience. Je m'étais gardé pour vous uniquement, comme si j'avais su que je devais vous rencontrer un jour. Ah, c'est cela que je veux que vous sachiez. Une femme qui s'accuse comme je fais n'a plus rien à ménager, n'est-ce pas ? Pourquoi vous mentirais-je maintenant ? Dites pourquoi ? Il faudra bien que vous me croyiez, et vous vous direz. J'étais son premier amour. Elle ne s'était pas disputée parce qu'elle m'aimait. Elle m'aimait comme on rêve d'être aimée, avec tout son cœur, avec tout son être, et non seulement dans le présent, mais dans le passé. Et de cette femme qui m'aimait ainsi, voilà ce que j'ai fait, une créature qui ne croit plus à rien, qui ne respecte plus rien, qui a pris un nouvel amant par caprice, qui en prendra un second, un troisième, une femme perdue. Oui, encore une fois, c'est vous qui m'avez perdue, et je veux que vous le sachiez. Et ce sera ma vengeance, que vous ne puissiez plus en douter. Perdue, perdue, vous m'avez perdue, vous. Elle avait jeté toutes ces paroles d'une voix haletante, en se rapprochant d'Armand à mesure, avec son visage convulsé de fureur, et il y avait dans le ton de sa voix, dans ses regards, dans toute sa personne bouleversée, cette force terrassante de la vérité contre laquelle le doute essaie vainement de se dresser, l'espèce d'affreuse, de déshonorante preuve de sa pureté d'autrefois, appuyée sur l'aveu cynique de son infamie présente, devenait irréfutable grâce à l'évidente exaltation qui la possédait et qui ne lui permettait pas de rien cacher de ses pensées. Mais ce qui rendit ce raisonnement plus décisif encore pour l'homme qui écoutait cette misérable confession avec un mélange de stupeur et d'épouvante, ce fut le subit passage d'émotion qui s'accomplit en elle après qu'elle eut parlé. La fureur, assouvie par ce frénétique discours, céda soudain la place au désespoir. Elle regarda tout d'un coup Armand avec des yeux où l'éclair de l'indignation se noyait dans les larmes, et jetant un cri, elle s'affaissa sur le plancher. Là, étendue de son long, elle commença de gémir. Ce fut un sanglot lent et continu, la plainte uniforme et sourde d'une bête qui râle. Cela montait, montait vers Armand, et cette suprême plainte ramassait en elle l'écho de toutes les plaintes qu'elle avait étouffées, de tous les soupirs qui s'étaient arrêtés au bord de son cœur. C'était une agonie de tant de jours exhalés dans un appel dernier. Si Armand avait subi, au contact de la souffrance d'Alfred, une irrésistible sensation d'humanité douloureuse, combien cette sensation s'abattait sur lui, plus forte maintenant, au contact de la souffrance de cette femme couchée à terre. Le lien frêle et puissant qu'il avait uni à cet être ainsi vaincu, cet invincible lien de la volupté partagée, l'attachait de nouveau à elle, subitement. Il croyait l'avoir oublié, mais sous la double influence d'une inconsciente jalousie et d'une pitié physique, voilà qu'il retrouvait en lui pour elle des sentiments dont il ne se jugeait plus capable. Un entraînement passionné le fit se précipiter à genoux, et il essayait de la relever, comme si elle eût été encore sa maîtresse. « Hélène, disait-il, reviens-toi, par pitié pour moi, ne pleure pas ainsi, relève-toi. » Elle obéit, et lentement, elle tourna vers lui ses yeux fondus, sa bouche ouverte. Une expression d'ineffable reconnaissance passa sur ce douloureux visage. Il l'assit sur un fauteuil, puis il se mit à ses pieds pour essuyer ses larmes, et alors elle put parler de nouveau. « Ah, disait-elle, tout est fini, fini, à jamais plus. Tu ne sais pas, Armand, comme je t'ai aimé, comme je t'aime. Pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait? Vois-tu, j'étais comme folle. Je ne savais rien, je ne savais que t'aimer. Tu étais toute ma vie, toute ma foi, tout ce que j'avais de bon et de noble. Et là, brusquement, tout m'a manqué. J'ai tant souffert. Je t'entendais toujours me dire ces affreuses paroles. C'était comme un couteau qui se retournait dans mon cœur à chaque minute. J'ai voulu t'oublier, m'oublier, tout détruire. Malheureuse, qu'ai-je fait? Pourquoi ne suis-je pas venu te supplier de me reprendre, de croire en moi? J'aurais trouvé des mots qui t'auraient convaincu. Maintenant, c'est la fin de tout. Ne me touche pas, je me fais horreur. » Et elle se dégageait, elle le repoussait. Il devina qu'elle venait de voir l'autre, son nouvel amant. Puis, avec fureur, « Non, bourreau, bourreau, c'est ta faute. Oui, c'est toi qui m'as jeté là. Est-ce que tu avais le droit de me traiter ainsi? Réponds, quels étaient mes torts? Quand avais-je menti? Pourquoi as-tu douté de moi? Non, mon ami, c'est toi qui es si bon, si doux, toi que j'aime tant. Pardon, pardonne-moi, la douleur me tue. » Elle se lamentait ainsi, trahissant par le va-et-vient de ses phrases tour à tour maudissantes et tendres l'incohérence des sentiments dont la tempête la secouait. Puis elle eut une détente de cette frénésie, elle dit « Laissez-moi pleurer un peu, cela me soulage, ne me parlez pas. » « Tout à l'heure. » Et il la quitta. Devant cette explosion de désespoir, comme il se trouvait impuissant. Il se mit à marcher de long en large dans la chambre, qu'envahissait la mélancolie du crépuscule, et le sanglot d'Hélène s'était fait tout humble maintenant, tout bas, presque pareil à celui d'une petite fille. Au lieu de la révolte frénétique du commencement, c'était un long soupir, sans cesse interrompu et repris sans cesse, qui achevait de bouleverser le jeune homme. Il ne tentait plus de la consoler, et il ne tentait pas davantage de combattre la cruelle évidence qui venait de s'installer en lui pour n'en jamais sortir. La pitié pour cette agonie, le frisson d'horreur devant une ineffaçable souillure et la vue de l'atroce injustice qu'il avait commise se mélangeaient pour le torturer. Mais par-dessus tout, ce qui l'accablait, ce qui mettait sur son cœur un poids qu'il sentait dès lors insoulevable, c'était l'impression de la terrible responsabilité qu'il avait dans la perte de cette femme. Et quoi, c'était pour l'avoir connue, pour l'avoir aimée, que la malheureuse en était descendue là? L'instinct d'Hélène ne l'avait pas trompé. Il ne pouvait plus douter. Il la croyait et sur tous les points. Il croyait qu'elle l'avait véritablement aimé. Il croyait qu'avant leur rencontre, elle était pure. Il croyait que le délire d'un inique abandon l'avait égaré jusqu'à la jeter au bras d'un autre, et qu'il en était lui, Armand, la cause, la seule cause. Il continuait de marcher, et à chaque fois qu'il se retournait pour revenir sur ses pas, il apercevait entre les fenêtres lugubrement éclairées cette forme affaissée, ce visage qui se détachait sur le fond d'ombre, si pâle. Qu'était devenue son indifférence d'avant l'entrée d'Hélène et sa puissance de négation, qu'en avait-il fait? On ne discute pas avec un râle de mort, il avait assisté à la mort d'une âme. C'était trop vrai qu'elle ne demandait rien, qu'elle ne voulait rien, sinon qu'il vit son cœur à nu. Il l'avait vu, il le voyait, et le sang qui coulait de la blessure infligée par lui. Combien de temps demeurèrent-ils ainsi sans se parler, lui marchant toujours et elle toujours pleurant? Il finit par se rapprocher, et il lui prit la main avec un frémissement à sentir cette main toute molle, humide et froide, qu'il souleva pour la porter à ses lèvres. Et il y laissa tomber des larmes, les premières qu'il versait depuis des années. Du fond de l'abîme de désespoir où elle gisait, elle trouva encore une pitié pour ces larmes de son bourreau. Elle dit « Ne pleure pas ». Et l'attirant à elle, passionnément, elle couvrit son visage de baisers. Il sentit des lèvres brûlantes courir sur ses yeux, son front, sa bouche. Puis elle se détacha de lui. Elle se releva. Elle venait encore une fois de voir l'autre. « Ah ! » s'écria-t-elle avec déchirement. « Je ne peux même plus te consoler. Adieu, adieu !» dit-elle encore. « Et cette fois, c'est l'adieu pour toujours. » Elle passa les mains sur les cheveux du jeune homme, sur ses traits, comme pour se convaincre de la réalité de l'existence de cette figure qu'elle avait tant chérie, et elle s'échappa en courant du côté de la porte. « Où vas-tu ? » lui demanda-t-il. « Je te fuis !» dit-elle avec égarement, et déjà elle était hors de la chambre. La porte de l'appartement s'était refermée sur elle, qu'il n'avait pas trouvé l'énergie de la suivre. Il restait debout, à la place où elle l'avait laissée, comme s'il eût été frappé d'un coup de paralysie. Une terreur affreuse fit soudain courir un frisson glacé par tout son corps. Si Hélène, dans le délire de son désespoir, s'était échappée de chez lui pour aller se tuer. Durant une seconde, il eut devant les yeux cette horrible hallucination, l'ombre d'un quai, la grande nappe obscure et mouvante du fleuve, et un corps de femme roulé par cette eau glacée. À son tour, il s'élança. Il descendit l'escalier 4 marches par 4 marches. Une femme était sur le trottoir, qui s'en allait vers les Champs-Élysées. Il se précipita. Ce n'était pas elle. Il gagna l'avenue, pleine d'un fourmillement de passants et de voitures. Comment la retrouver dans cette foule? Comment deviner de quel côté la malheureuse s'était enfuie? Une bruine tombait. Il alla vainement plusieurs voitures, et seulement au rond-point il put en arrêter une. Il donna l'adresse de la rue de la Rochefoucauld, et le long du chemin, il connut lui aussi une angoisse poussée jusqu'à la folie. Mais déjà il était au bas de la rue et devant le petit hôtel. Ce fut avec un tremblement de tout son cœur qu'il tira la sonnette de la porte et qu'il demanda au domestique si Madame Chazelle était rentrée. Sur la réponse affirmative de cet homme, il faillit tomber à terre par l'excès de son émotion, et tout de suite, car le jeu des passions nous fait sans cesse nous heurter à ces mille riens de l'existence, il se trouva comme sot devant cet homme qui s'effaçait pour le laisser passer. Comment supporter la présence d'Hélène à cette minute, et surtout celle d'Alfred? Il balbutia une phrase, prétextant une course oubliée et disant qu'il reviendrait dans la soirée. Il se rejeta dans son fiacre. La pensée de son fils l'aura sauvé, se dit-il. Du moins, je ne suis pas un meurtrier.